c'est Tibulus. Ah, très heureux de vous retrouver. Ça y est, ça arrive, Noël, c'est tout prêt. Hein. J'ai ma longue vue, je regarde. Ah oui, le réveillon est en approche. Et ça, c'est bien. On est heureux de vous retrouver pour ce petit moment entre nous. Ça s'appelle le calendrier de l'Avent, le calendrier sonore. On est la case 19, puisqu'on est le 19 décembre. Et on va retrouver une bêtise. Et on ouvre cette case. Oh, bonjour. Salut les amis, c'est Titou. Salut Titou. Titou, c'est un lutin très farceur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas nous raconter une bêtise que tu as faite. La bêtise que j'ai faite, c'est le Père Noël, quand il s'est réveillé, j'avais mis dans ses chaussons de la confiture de fraises et du miel. Tu veux dire que tu avais pris une cuillère, tu avais enduit ses chaussons de confiture gluante? Tout à fait. Quelle a été sa réaction le matin? Dès qu'il marchait, ça faisait des gros bruits. Plouf, plouf, plouf. Est-ce qu'il a réussi à nettoyer ses chaussons? Ça a été très dur. Il a frotté avec du savon pendant des heures. Même ses chaussons étaient presque abîmées. À force de frotter, quoi? Ouais. Oh là là, la tête qu'il a dû faire. C'est vrai que moi, une fois, j'avais marché dans la boue avec mes chaussettes. Et quand j'ai mis mes chaussures, parce que j'avais pas le choix, c'était très désagréable comme sensation. Je sais pas si chez vous, vous avez déjà eu cette sensation d'avoir un pied trempé, englué. Oh, j'aime pas ça. Tout à fait. Il paraît qu'il faut pas jouer avec la nourriture. C'est pas bien ce que t'as fait, je peux te tirer les oreilles? Non! Si, je te tire les oreilles. Tiens, est-ce qu'il reste du miel? J'ai envie de me faire une tartine quand même. Non, j'ai mis tout le bol dans les chaussettes. Il y a plus de miel dans l'atelier. Bah, qu'est-ce qu'on va manger? Des chamallows grillés? Ah oui, bon, allons-y. On va prendre quelques chamallows pour se donner des forces. Et puis, hein, c'est le moment où il faut donner un coup de collier pour finir tous les jouets. Alors, je te propose de prendre ta caisse à outils et de me rejoindre à l'atelier. Il y a des finitions de robots à faire. Je crois que tu travailles sur une console, c'est ça? C'est compliqué? Oh oui, très dur. Ok, très bien. Bon, on vous dit à demain. À demain, les amis. Salut. À demain.